Ouais, c'est bon, je te vois. Putain, sympa. Ouais, je l'avais ce piano. Je l'ai revendu. Ah oui. Ah oui, là c'est. Putain, il sonne bien. Attends, je vais enlever mes effets. Il sonne bien le Fender Rhodes là. Moi j'ai pas la caméra, je comprends pas pourquoi. Tu m'entends, hein? Ouais. Il est beau ton piano. Tu m'entends de loin là peut-être? Ouais, bah c'est l'ordi qui me l'a réglé. Ouais, ouais, je t'entends. Hein. Non, le son est nickel. Ouais, le son est nickel. Et pourtant, pour régler un piano comme ça, là, parce que moi j'en avais un, ça. Je sais pas comment t'as fait, parce que. Enfin, toi tu connais bien le son. Moi j'en avais un que j'ai revendu comme ça. Il y avait du souffle. C'est, Il est beau. Ouais, mais là, le souffle, en fait, là, il y a. Celui-là, il est super. Ça, il est de 73. Il est magnifique. Il est en super état. Attends, je vais tourner un peu la cam, là. Là, tu vas pleurer, là. Ouais. Parce qu'en fait, il faut que je tourne tout l'ordi parce que c'est un peu le bordel. La cam, elle est intégrée. Je vais voir. Ah, mais là, il y a déjà du beau matos, là. Notamment le rouge que j'adore. Mais c'est un peu cher. Ouais, t'as du matériel, et non. Ah ouais. Il y en a encore là-bas, oui, d'accord.